British. British Connection, l'émission qui passe ce qu'on n'entend pas sur les autres radios rock. Salut, c'est Christophe Montagu dans British Connection. Je remercie Philippe qui me permet de parler de mon dernier ouvrage consacré au groupe britannique Duran Duran. Le titre de ce livre est Boys on Film. Il est disponible depuis août 2025 aux éditions Camion Blanc. Alors, j'ai découvert le groupe anglais Duran Duran en 81 avec leur premier single Planet Earth. J'étais au lycée, j'aimais la science-fiction, la bande dessinée, je dessinais beaucoup et je possédais un synthé monophonique Korg avec lequel je m'amusais à créer des sons étranges. J'écoutais Chic, David Bowie, Simple Minds et Kraftwerk, tout était réuni pour que j'aime Duran Duran. Le son de la chanson Planet Earth était véritablement nouveau. Un mélange de sonorités synthétiques, de basses disco, de guitares funky, avec un refrain hyper accrocheur. Tout ce qui fait une très bonne chanson pop. Le producteur était Colin Thurston, qui avait auparavant travaillé sur deux albums de David Bowie, Low et Heroes. Le nom du groupe m'intriguait beaucoup. Son origine est à chercher dans un film de Roger Vadim, Barbarella, Reine de la Galaxie, sorti en 68, et dans lequel un savant fou du nom de Duran Duran tourmenter l'héroïne incarnée par Jane Fonda. Par la suite, j'ai découvert le clip réalisé par Russell Mulcahy, avec des effets spéciaux qui aujourd'hui nous paraissent bien ridicules. Mais à l'époque, c'était nouveau et l'aspect futuriste du clip a marqué une génération de fans du groupe. J'aimais également l'aspect vestimentaire des musiciens qui mélangeaient toutes sortes d'influences. Patti Bell et Jen Kahn, deux stylistes de Birmingham, s'occupaient d'habiller les membres de Duran Duran. Puis, c'est Perry Haynes qui s'est vu confier la conception de leur garde-robe. Haynes était également le rédacteur en chef du magazine avant-gardiste ID et il supervisait la communication de Blitz, le club londonien le plus branché de tout le Royaume-Uni durant cette période. C'est là que se réunissaient les nouveaux romantiques, un terme pour désigner les adeptes d'un retour au dandisme. Cette attitude manifestait une réaction à la crise économique que traversait alors l'Angleterre. Il faut avoir en tête que Margaret Thatcher était Premier ministre. On l'appelait la Dame de Fer. Haynes puisait dans la ligne de vêtements du styliste Anthony Price, qui remettait à l'honneur le costume, définissait une nouvelle forme d'élégance, lui donnait une nouvelle fonction, plus sexy. Pour cela, il s'inspirait des tenues militaires et des costumes de théâtre. Cette attitude était vraiment nouvelle et rompait avec les codes vestimentaires du rock et du punk. Les membres de Duran Duran vont comprendre très tôt que l'aspect vestimentaire des musiciens est aussi important que leur musique. Tout au long de leur carrière, ils feront appel aux meilleurs designers, graphistes, photographes, stylistes, illustrateurs, vidéastes. C'est selon moi la grande force de ce groupe que d'être en permanence à l'écoute des nouvelles tendances dans divers domaines artistiques. Sur ce point particulier, et même s'il s'en défend, Nick Rhodes est la tête pensante de Duran Duran, toujours inquiet de voir son groupe se ringardiser. Malgré des critiques sévères de la presse musicale, en particulier du New Musical Express, Planet Earth se classera à la 12e place du UK Single Chart. Je vous propose d'écouter Planet Earth. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock, du rock, du rock, du rock, du rock, du rock. Some new Je viens d'évoquer l'aspect innovant de Duran Duran dans de nombreux domaines liés à l'image du groupe. Voyons maintenant quelques exemples concrets. Pour ce qui concerne la direction artistique des premiers albums, elle est confiée au graphiste Malcolm Garrett. Lorsqu'il accepte de s'occuper de Duran Duran, Garrett n'est pas un débutant. Il a largement contribué au succès du groupe anglais Buzzcocks, et la spécificité de ce graphiste est de prendre en charge l'intégralité de la communication d'un groupe afin d'avoir une cohérence générale optimale. Pour ce qui concerne Duran Duran, le graphiste de 24 ans définit une ligne directrice qui est « Nous vendons des produits de luxe ». La pochette blanche, ornée d'une magnifique photo de Finn Costello, est effectivement une réussite d'élégance et de sobriété. Je me souviens avoir été fasciné par la puissance attractive de cette réalisation, si simple en apparence. Quant au visuel de l'album Rio, supervisé par Malcolm Garrett, la magnifique illustration de Patrick Nagel a intégré depuis la prestigieuse collection du MoMA. Un autre point fort de Duran Duran, et ce, dès ses débuts, est de proposer des remixes de leurs meilleures compositions. Ils sont destinés aux DJ et portent le nom de Night Version. Le groupe a toujours eu à cœur de faire danser le public. Il veut que ses chansons soient jouées dans les clubs, en particulier dans les clubs américains équipés d'écrans géants. Aussi, chacun des remixes de Duran Duran est accompagné d'un long clip. Certains d'entre eux sont jugés trop érotiques par MTV et la BBC, mais la législation permet de les diffuser dans les clubs, échappant ainsi à la censure et attirant un public adulte. Retenons en particulier ceux des chansons de Girls on Film et The Chauffeur. MTV, une nouvelle chaîne musicale créée en 1981, va propulser Duran Duran sur le marché américain et plus largement international. Les managers de Duran Duran rencontrent les cadres de la chaîne. Ces derniers leur expliquent leur volonté de diffuser exclusivement des vidéoclips et quel type d'images exotiques ils recherchent. Les groupes américains durant cette période tournent rarement des clips, ce qui n'est pas le cas des groupes de New Wave anglaises. MTV va les diffuser plusieurs fois par jour pour occuper le temps d'antenne. La jeunesse américaine, qui a soif de nouveautés, va adorer les groupes britanniques, bien différents des stars du rock américain. Duran Duran va faire du sur-mesure pour satisfaire MTV. Russell Mulcahy a l'idée de filmer trois clips au Sri Lanka dans le format 35 mm. Ce format particulier donne aux clips de Duran Duran l'aspect de véritable production cinématographique. Un point fort qui les distingue de l'ensemble des productions concurrentes. Cette stratégie va payer. Le clip de Rio, tourné en 82 dans les Caraïbes, par Russell Mulcahy, va affirmer l'image de musicien élégant, riche, séduisant, entouré de mannequins et voyageant dans le monde entier. Mais ces clichés attractifs cachent en vérité de nombreuses heures de travail, en studio, sur scène, sans oublier les exigences liées à la promotion. L'investissement de chacun des musiciens est total, et les membres de Duran Duran peinent à conserver une vie privée. Je vous propose d'écouter Rio. You are listening to British Connection, the best radio rock show in the galaxy. We'll be right back. Il est temps de parler du rapport qu'entretient Duran Duran avec la critique musicale, celle qui fait autorité, comme le New Musical Express. Il est globalement mauvais, et ce pendant de nombreuses années. Le groupe se voit reprocher dès son premier album la photogénie de ses membres. Duran Duran est assimilé à un boys band, une réunion de mannequins pour adolescentes, des mannequins qui ne savent pas jouer. Les paroles de Simon Le Bon sont jugées insipides à chaque sortie d'un nouvel album. La New Wave, de façon générale, a mauvaise presse. L'utilisation de synthétiseurs et de boîtes à rythme est considérée comme une hérésie par les fans du rock pur et dur. Mais, que je sache, Duran Duran comprend un batteur et un guitariste. Alors, quel est le problème ? Lorsqu'on va comparer Duran Duran aux Beatles en les surnommant The Five Five, les critiques vont se déchaîner. La réussite insolente du groupe en 82 sur le marché américain avec la version de l'album Rio, remixée par David Kershenbaum, un sorcier du son, ne fait qu'envenimer le débat qui se résume à « Duran Duran est-il un véritable groupe ? Ses membres savent-ils vraiment jouer ?» Le troisième album, Seven and the Ragged Tiger, au succès international colossal, n'arrange rien à la perception que les critiques ont du groupe et qui, selon eux, personnifie les excès de la classe dominante. Rien de moins. Le fait que Diana, la princesse de Galles, affirme publiquement que Duran Duran est son groupe préféré s'ajoute aux nombreuses tares que les critiques rock prêtent au groupe. En 1984, le mixage de la composition de Reflex, réalisé par Nile Rodgers, imposé par les musiciens contre l'avis de EMI, leur maison de disques, marque un tournant décisif. Cette fois, le New Musical Express rédige un avis positif. Rodgers produira la chanson Wild Boys avec le même succès. En 86, il produit et joue sur l'album Notorious qui va relancer la carrière du groupe, alors réduit à 3 membres. Une amitié va naître entre le guitariste afro-américain de Chic et les 5 musiciens britanniques. Au point que Rodgers déclarait récemment que Duran Duran était son deuxième groupe. L'arrivée du guitariste Warren Cucurullo va contribuer à changer l'image de Duran Duran. Ce virtuose de la guitare, créatif et discipliné, est un ancien musicien du groupe de Frank Zappa. On ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir jouer. Avant de rejoindre les Britanniques, il était dans Missing Person, un combo américain de New Wave dont le batteur est Del Bozio, un autre virtuose. Cucurullo est pour beaucoup dans le succès de l'album Big Thing en 88. Du Wedding Album commercialisé en 93 et dont il a co-composé le tube mondial Ordinary World. Duran Duran va attirer à lui d'autres pointures du monde de la musique, telles que John Frusciante, guitariste des Red Hot Chili Peppers, et Janelle Monáe, qui participent tous deux à l'album Paper Gods en 2015. Graham Coxon, guitariste de Blur, le DJ Errol Alkan, Giorgio Moroder et Mike Garson, le pianiste de Bowie, joue et compose pour l'album Future Past en 2021. Finalement, Duran Duran est intronisé le 5 novembre 2022 au Rock and Roll Hall of Fame et il a son étoile sur le légendaire Hollywood Walk of Fame. C'est la consécration suprême pour un groupe qui a vendu, selon le Billboard, 100 millions d'albums et qui accumule les prix et les distinctions. Danse Macabre, leur dernier opus, est commercialisé en 2023. Je vous propose d'écouter Black Moonlight. British Connection, British Connection. Taken in possession.